إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Après trois ans de prédication secrète, selon la parole de Ibn Ishaq, et ayant eu l'approbation de nombreux Quraïchites, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné d'appeler ouvertement sa tribu, c'est-à-dire les plus proches de lui en lignée. Et cela d'après le verset coranique suivant, où Allah dit Jalla wa ala, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. C'est la sourate 26, les versets 213 à 216. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés, et avertis les gens qui te sont les plus proches, et abaisse ton aile, c'est-à-dire sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, je me désavoue de ce que vous faites. L'imam Saif al-Rahman al-Mubarak Furi a dit dans son livre « Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté » ce verset est inclus dans la sourate Al-Shu'ara, la sourate numéro 26 des poètes, dans laquelle est contée l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam du début de sa prophétie jusqu'à son émigration avec les enfants d'Israël et la noyade de Pharaon et de ses troupes par Allah tabaraka wa ta'ala. Les étapes traversées par Moussa alayhi salam lors de son appel au peuple de Pharaon à se soumettre à Allah y sont relatées. Il continue et il dit: il semble que la mention de cette histoire, faite au même moment que l'appel à propager l'islam, ait servi d'exemple au prophète et à ses compagnons, leur donnant une idée des épreuves qu'ils traverseraient en appelant ouvertement leur peuple à l'islam. Cette sourate comporte également les récits de ceux qu'il est advenu, de ceux qui renièrent les messagers du Seigneur, tels que les récits des peuples de Nuh, alayhi salam, peuple de Ad, le peuple de Thamoud, le peuple d'Ibrahim, alayhi salam, le peuple de Lot, alayhi salam, les gens de Madian, en plus de celui du peuple de Pharaon. Ceci, afin que ceux qui démentiront le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam sachent ce qui les attend et sachent qu'Allah leur réserve un châtiment. C'est aussi pour que les croyants sachent que la bonne issue leur appartient. Fin de citation. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réuni les Bani Hashim et les Bani Abd al-Muttalib. L'imam al-Bukhari rapporte par plusieurs narrations que lorsque ce verset fut révélé, « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » et avertis les gens qui te sont les plus proches, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à appeler les tribus une par une, en disant « Ô Bani Fihr, ô Bani Ali, etc. » Disons ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari sous le numéro 3527, d'après Abi Hurayrata radiallahu anhu, « Annahu qal » قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. أو بني عبد مناف, rachetez vos âmes d'Allah. Ô Bani Abd al-Muttalib, rachetez vos âmes d'Allah. Ô mère de Zubair ibn al-Awwam, tante paternelle de l'envoyé d'Allah. Et toi, ô Fatima, fille de Muhammad, rachetez l'une et l'autre votre âme d'Allah, car je ne puis rien pour vous contre Allah. Mais demandez-moi de mes biens, tout ce que vous voudrez. Cet événement est aussi rapporté dans le Sahih d'Imam al-Bukhari avec un peu plus de détails. Dans la version de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal akrabin, sa'ida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala as-safa, faja'ala yunadi ya bani fihr, ya bani adi, li butun quraish hatta ijtama'u. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. L'imam al-Bukhari rapporte sur le numéro 4770 d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui a dit lorsque le verset suivant fut révélé et avertit les gens qui te sont les plus proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta dans la montagne de Safa, et cria « Ô Bani Fihr, ô Bani Adi, qui étaient des factions de Quraysh. » Ils se rassemblèrent, et ceux qui n'avaient pu se rendre à cet appel envoyèrent quelqu'un pour voir de quoi il s'agissait. Abu Lahab et Quraysh virent également. « Eh bien, dit alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je vous annonçais qu'il y a des cavaliers dans la vallée qui veulent vous attaquer, me croiriez-vous ?»« Certes oui, répondirent-ils, car en toutes circonstances, nous n'avons trouvé chez toi que sincérité. Eh bien, reprit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous avertis que vous êtes menacé d'un châtiment terrible. Puisses-tu périr aujourd'hui même, s'écria Abu Lahab. C'est alors que fut révélé ce verset. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Et selon une autre traduction, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et il périt. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibre. Puis les gens se dispersèrent sans aucune réaction excepté Abu Lahab, qui s'exclama « Puisses-tu périr en cette journée? Est-ce la raison pour laquelle tu nous rassembles ?» C'est alors qu'Allah révéla les versets que nous venons de lire. Ce noble avertissement était là l'objectif de l'appel. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montra à ses proches que la foi en son message conditionnerait leurs bonnes relations futures et que les liens du sang qui jusqu'alors primaient dans la vie des Arabes passeraient désormais après ce message divin. On tire aussi de cet événement le courage et la bravoure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se présenta devant les grands notables de Quraysh en exposant la vérité sans tergiversation, ni compromis, ni crainte. De même, il montra de l'affection et le souci de les sauver du feu, espérant ainsi les amener à la vérité. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de se faire entendre à la Mecque jusqu'à ce que les versets suivants soient révélés. Allah dit à baraka wa ta'ala, Fasda bima tu'maru wa a'rid anil mushrikin, inna kafaynaka al mustahzi'in. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Sont les versets 94 à 99 de la sourate numéro 15. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associâtres. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Ça veut dire aussi, nous te défendons vis-à-vis des railleurs et de ceux qui se moquent de toi. Ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort, comme l'a expliqué Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit alors à appeler tout à l'islam dans les différentes assemblées des associatres, parmi les proches et les moins proches. Il leur récitait le Saint-Coran et leur dit ce que les précédents messagers avaient dit à leur peuple. « Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayr inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim » Sourate 7, verset 59. Nous avons envoyé Nour vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'attela à cette tâche de prédication dans toutes les occasions qui se présentaient à lui. Il allait dans les marchés. Il prêchait à Allah dans l'enceinte sacrée de la mosquée, dans les assemblées privées, dans les demeures. À chaque fois que l'occasion se présentait à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de cette occasion pour rappeler les gens à l'islam. L'imam Ahmed rapporte d'après Ali ibn Abi Talib qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invita un jour les Bani Abdel Muttalib et leur prépara à manger. » Les Bani Abdel Muttalib, ce sont les très proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur prépara à manger et là se produisit un miracle. Avec peu de nourriture, tout le monde fut rassasié et la nourriture et la boisson étaient telles qu'on penserait que personne n'y avait touché. Lorsque ses convives furent rassasiés, il leur dit « Ya Bani Abdel Muttalib, inni bu'ithtu lakum khassa wa ila nasi amma wa qad ra'aytum min hadihi l'ayah ma ra'aytum. فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يكن إليه أحد. قال فكنت إليه وكنت أسخر القوم. قال فقال اجلس. قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس. حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي أو على يدي. Le prophète a dit à cette fois salam. À cette occasion, ô Bani Abdel Muttalib, je suis envoyé à vous en particulier et aux gens en général. Vous avez certainement vu ce signe, le signe et le miracle qui s'est produit devant leurs yeux de la nourriture. Lequel d'entre vous me prête allégeance pour être mon frère et mon compagnon? Ali, qui était alors présent, dit « Personne ne se leva. Je me leva donc vers lui alors que j'étais le plus jeune de tous. Il me dit « Assieds-toi ». Et cela se répéta à trois reprises. Et à chaque fois de me dire « Assieds-toi ». Au bout de la troisième fois, il frappa ma main de sa main. Un hadith authentique, on peut trouver dans de nombreux ouvrages de référence et authentifié par Cheikh Ounal Albani. Donc le prophète, alayhi salam, non seulement appelait les gens d'une manière générale à l'islam, mais aussi portait une attention toute particulière à ses plus proches, afin de rester en corrélation, en adéquation avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzir ashiratakal akrabin, et averti parmi tes plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi se mit à prier jour et nuit dans l'enceinte de la Kaaba, au vu et au su de tous. Et les conversations par suite de sa prédication augmentèrent. Les gens se convertissaient à l'islam un à un. Cependant, entre ces nouveaux convertis et leurs proches associatres, la tension montait et les conflits se multiplient. Dès lors que les Quraishites constatèrent que la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait écho parmi leurs familles, parmi les membres de leur tribu, ils commencèrent à s'opposer ouvertement à la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je voulais vous rapporter pour cela ce qu'a rapporté l'imam al-Hakim fil Mustadrak avec une chaîne de transmission authentique. Umm Jamil, qui est l'épouse d'Abu Lahab et qui est celle citée dans la sourate, fut en colère lorsque cette sourate fut révélée. Asma bint Abi Bakr rapporte « وقالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. Asma bint Abu Bakr rapporte que lorsque la sourate fut révélée, que les deux mains d'Abu Lahab périssent, elle se présenta en criant à la manière des femmes de l'époque pré-islamique, une pierre à la main. L'Avili, nous avons rejeté. Sa religion, nous l'avons délaissée et son ordre, nous l'avons contredit. L'Avili, elle voulait signifier par cela le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'Avili, Al-Mudhammam, qui est le contraire de Muhammad. Al-Mudhammam, qui est le contraire de Muhammad. Donc, au lieu de l'appeler Muhammad, qui veut dire celui qui est loué pour ses mérites, celui qui est vanté pour ses mérites, elle l'a appelé l'Avili. En disant, l'Avili, nous avons rejeté. Sa religion, nous l'avons délaissée. Et son ordre, nous l'avons contredit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis dans l'enceinte de la mosquée, sacrée en compagnie de Abi Bakr. Lorsque ce dernier l'a vit, il dit, ô messager d'Allah, elle arrive, et je crains qu'elle ne te voie. Car en réalité, elle voulait en découdre avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait le frapper avec la pierre qu'elle tenait dans sa main. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, elle ne me verra pas. فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَّانِي فَقَالَ لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَّكَ فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à lire le Coran. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, et quand tu lis le Coran, nous plaçons en toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se préserver, a voulu se protéger par la lecture du Coran en concordance avec ce verset coranique. Elle s'arrêta devant Abi Bakr et n'a pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien que celui-ci était assis juste à côté de lui. Elle dit, oh Abu Bakr, j'ai appris que ton compagnon m'invective, il me dénigre, il m'insulte. Abu Bakr lui répondit, non par le Seigneur de cette demeure, il ne t'a pas dénigré. Alors, elle rebroussa chemin et dit, de toute façon, Quraysh sait certainement que je suis la fille de leur chef. En effet, Umm Jamil est la femme de Abu Lahab. Et elle s'appelle Arwa bint Harb ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. C'est la grande sœur de Abu Sufyan, un des chefs de la Mecque. Et elle fait partie d'une des tribus les plus puissantes de Mecca. Ses deux fils, Utba et Utayba, étaient tous deux mariés respectivement aux deux filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Umm Kulthum. Et en regard de l'aversion qu'elle avait vis-à-vis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle obligea ses deux fils à divorcer de leurs épouses. Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a décrit dans le Coran comme la porteuse de fardeau, pour la simple et bonne raison qu'elle passait des nuits entières à ramasser des ronces et à les poser sur les passages qu'empruntait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, habituellement, afin qu'il se blesse par cela. Umm Jamil, Al-Awra. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, ainsi que sa femme, la porteuse de fardeau, فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدِ, à son cou, elle aura une corde de fibre. Certains commentateurs du Coran expliquent qu'elle avait vendu un collier en or qu'elle possédait pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui porter préjudice. Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera un châtiment à l'image des préjudices qu'elle a fait encourir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlerons la semaine prochaine, inshallah tabaraka wa ta'ala, des différentes réactions des mécréants, des associatres, vis-à-vis de la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait à prendre de l'ampleur. Les Arabes avaient peur que la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam gagne les cœurs des gens. Ils ourdiront pour cela différents stratagèmes afin de contrecarrer cette prédication. Mais Allah tabaraka wa ta'ala va parfaire sa lumière, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux associateurs. Nas'alullah jalla wa'ala niwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardha. ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.